Une guerre peut en cacher une autre. C'est le cas en Afghanistan depuis 5 ans, où les soldats de l'OTAN combattent les talibans au nom de la lutte contre le terrorisme, mais où se déroule une autre guerre, celle contre la drogue, contre les producteurs et trafiquants d'opium. Une guerre qui semble d'ores et déjà perdue. L'Afghanistan est en effet malheureusement devenu le pays champion du monde de la production d'opium avec plus de 4200 tonnes par an. Une production en progression constante, à tel point que certains n'hésitent pas à évoquer un narco-État, c'est-à-dire un État infiltré, corrompu par le poison de la drogue et les gains fabuleux que son commerce engendre. Et ici, il faut tout de suite reconnaître que ni les Américains, leaders de la coalition anti-taliban, ni le gouvernement afghan ne semblent sérieusement décidés à lutter contre ce fléau. Bien au contraire, certains des plus grands trafiquants sont des alliés objectifs de la coalition. Et il est tentant de fermer les yeux sur leurs activités illicites, tant les intérêts géostratégiques sont importants et dépassent, et de loin, la stricte lutte contre le terrorisme islamique. Monsieur X a donc choisi d'ouvrir ce scandaleux dossier où les responsabilités françaises ne sont pas tout à fait absentes, ne serait-ce que parce que nos soldats sont aussi présents en Afghanistan. La drogue et l'Afghanistan, c'est une vieille histoire. Oui, il existe une tradition, la culture du pavot là-bas. En effet, oui. Enfin, je ne vais pas vous accabler de faits historiques, mais il vous faut savoir que Marco Polo signalait déjà l'existence de champs de pavot au nord du pays. Mais au XIIIe siècle, donc. Et un peu plus tard, ce sont les envahisseurs mongols qui ont enseigné à la population locale, là, si je puis dire, d'inciser la capsule de pavot afin de recueillir l'opium qui se trouve à l'intérieur et de l'ingérer. Ah, de l'ingérer, alors on ne le fume pas encore? Non, non, c'est tout ça, je verrai le jour à la fin du XVIIIe siècle dans les colonies portugaises de l'Asie du Sud-Est et se répandra ensuite dans une grande partie du continent. Mais il faut quand même noter que les Moghols ont été les premiers à comprendre l'intérêt de la commercialisation de l'opium puisqu'ils en ont fait un monopole d'État. Monopole qui sera ensuite repris par le colonisateur britannique. Mais il faut aussi rappeler que dans l'Indochine française, la vente de l'opium était un monopole d'État. Hein. C'est parfaitement exact. Mmh. Enfin, poursuivons et arrivons au XXe siècle. Dans les années 70, la culture du pavot et donc la commercialisation de l'opium augmentent notablement. Pour quelle raison alors ? Au Pakistan voisin, les autorités, sous la houlette de Zulfikar Bhutto, ont décidé de lutter contre la consommation de drogue et d'éradiquer la culture du pavot. En conséquence, les trafiquants se tournent vers l'Afghanistan. Ben, naturellement. Ouais. L'Afghanistan qui va devenir peu à peu le principal producteur. Mais c'est l'invasion soviétique en 1979 qui va changer durablement la donne. Les Moudjahidines, opposés à l'occupation de leur pays par l'armée rouge, vont financer en partie leurs achats d'armes grâce au trafic. Oui, mais il y a aussi l'aide occidentale, hein, essentiellement d'ailleurs états-unienne. Hein. C'est juste, mais ouais. Tout au long de ces années d'occupation, la CIA, en liaison avec l'ISI, les services secrets pakistanais, va donner un sérieux coup de main aux partisans afghans. Elle finira même par leur fournir ces fameux missiles Stinger. Ouais, des missiles solaires. Hein, qui porteront des coups très durs à l'aviation soviétique. C'est aussi l'époque où, très clairement, les États-Unis ont choisi l'islam contre le communisme. Ouais, avec les conséquences que l'on sait aujourd'hui. En revenant à la drogue, il est évident que les agents de la CIA n'ignorent pas que les Moudjahidines financent en partie leur combat grâce au trafic d'opium. Et quand il le faut, ils les aident en transportant la drogue, par exemple. Mais là encore, il faut rappeler qu'en Indochine, je suis désolé de dire, mais les services secrets français n'ont pas agi autrement en embarquant l'opium de quelques tribus montagnardes dans des avions militaires. Ah, vous avez tout à fait raison. Ouais. Il fallait alors inciter ces villageois à participer à la lutte contre le Viet Minh. Et plus tard, les Américains ont fait la même chose au Laos. Toutefois, là, il faut mettre un bémol. Certes, l'argent de la drogue a joué un rôle dans le financement de la résistance à l'armée rouge, mais la production d'opium était alors relativement insignifiante par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Cependant, ici, je voudrais faire une parenthèse. Oui, je vous en prie. Vous vous souvenez d'Alexandre de Mange? Ah oui, c'était le chef de nos services de renseignement dans les années 70. Le SDEC, oui, qui est devenu plus tard la DGSE. C'était un aristocrate massif, un costaud qui arborait de splendides moustaches. Marange, qui avait été nommé par Georges Pompidou, était un atlantiste convaincu, qui comptait de nombreux amis dans le monde anglo-saxon. Avant d'être viré par François Mitterrand, il a rencontré Ronald Reagan, qui a été élu, je vous le rappelle, en novembre 80. Et au sujet de l'Afghanistan, il lui a tenu un discours très curieux. Je vous écoute. Il lui a d'abord posé une question. Que faites-vous de la drogue que vos services saisissent? Reagan, qui venait tout juste d'entrer à la Maison Blanche, a répondu assez évasivement. Eh bien, je suppose qu'on la brûle. Alors notre espion en chef lui a dit que c'était une erreur. Il faudrait au contraire, a-t-il dit au président, récupérer cette drogue et la vendre discrètement aux soldats soviétiques présents en Afghanistan. Oui, mais attendez, dans quel but là ? Affaiblir l'armée rouge et ruiner l'efficacité et l'ardeur au combat de ces soldats. Ouais, c'est une sorte d'entreprise de démoralisation. C'est ça. Ouais. Et m'arrange d'expliquer à Reagan que les communistes vietnamiens n'ont pas agi autrement lorsqu'ils ont fourni en drogue les GIs américains. Ouais. Un plan assez machiavélique. Certainement. Hein. Mmh. Et comment le président Reagan a-t-il réagi là ? Ah, il s'est aussitôt enthousiasmé. Et son ami William Gassé, patron de la CIA, a lui aussi approuvé et a demandé à rencontrer Marange le plus vite possible. Le patron du SDEC avait bien réfléchi à la question, il avait même chiffré cette initiative. $1 million suffirait. Oh, une paille pour la CIA. Effectivement. Mais, ajoutez Marange, vos agents sont tellement gaffeurs qu'il serait préférable de nous confier l'opération. C'est pas très aimable, par contre. Mais assez réaliste, quand même. Hein. Les types de la CIA avaient la réputation de passer rarement inaperçus. Ouais. Y a-t-il eu un début d'application hein? Oui, des agents du SDEC ont commencé à se préparer dans le plus grand secret. Mais la gauche est arrivée au pouvoir et tout a été oublié. Et les Américains, eux, ont renoncé? Non, ils ont retenu l'idée de Marange. Une idée d'autant plus facile à mettre en œuvre que l'Afghanistan était un pays producteur d'opium et qu'il y existait déjà des laboratoires clandestins qui transformaient la drogue en morphine et en héroïne. Il n'a pas été trop difficile de convaincre des moudjahidines qui cultivaient des champs de pavots entre deux escarmouches de vendre de la drogue aux soldats soviétiques. Sans compter que les Américains devaient aussi les payer. Bien entendu, toucher des deux côtés. Alors quelle a été la véritable ampleur de ce trafic initié par Marange ? Je suis incapable de vous le dire précisément, mais tout le monde sait que beaucoup de soldats de l'armée rouge sont revenus chez eux dans un état déplorable et que la consommation de stupéfiants dans l'ex-URSS n'a cessé ensuite de croître. Ouais. Pour Washington, c'était donc une sorte de revanche. Oui, car pas mal de GIs avaient eux aussi rencontré la drogue pour la première fois au Sud-Vietnam. Cependant, ce trafic à destination des soldats soviétiques était minoritaire. La plus grande partie de la production était exportée vers le Pakistan par des passeurs qui alimentaient les moudjahidines en armes et munitions et revenaient avec des chargements de drogue. Ouais, avec la complicité des agents de la CIA. Bien entendu. Mais les gars fermaient les yeux. Faut pas négliger non plus l'action des services secrets pakistanais. Pendant ces années-là, ces contrebandiers étaient considérés comme des héros, des combattants de la liberté. Mais cela veut-il dire qu'il existait une sorte de planification de la production et du trafic ? Planification, non. Mais hier comme aujourd'hui, il y avait de puissants chefs locaux qui avaient la haute main sur le marché de la drogue. Un seul exemple, un certain Sayad Ahmed Kaileni. Qui était celui-là ? Kaileni était d'abord le chef du Front National Islamique, un parti d'obédience royaliste. Un aristocrate qui affichait une façade parfaitement respectable et avait accumulé une fortune considérable. Ah ouais, mais comment ? Apparemment grâce à des moyens parfaitement licites. Le commerce de voitures occidentales par exemple. Mais assez rapidement, Kaileni a compris qu'en investissant une partie de sa fortune dans la drogue, il gagnerait encore plus. Dans son fief, il a donc fait venir des chimistes, installé des laboratoires et mis en œuvre des filières d'exportation d'héroïne. Toujours en direction du Pakistan ? Généralement, oui. Même si certains convois prennent la direction des républiques soviétiques d'Asie centrale. Mais enfin, la plupart du temps, c'est donc effectivement vers le Pakistan. La zone frontière, et c'est encore le cas, et sous le contrôle de tribus pachtounes, qui règnent en maître sur cette région montagneuse. Ouais, c'est d'ailleurs là que se cacherait, dans le conditionnel, que se cacherait Ben Laden. Enfin, quoi qu'il en soit, on peut donc passer assez facilement la frontière. À condition de payer les pachtounes, ou mieux encore, de leur demander d'être eux-mêmes les passeurs. Ouais, c'est plus simple. Ouais, Kaileni est donc devenu, pendant les années de guerre, le véritable patron de l'héroïne afghane. Même si d'autres seigneurs de la guerre, comme Gulbuddin Hekmatyar, ont également participé au trafic. Mais nous en parlons. Ce Hekmatyar est un personnage vraiment très intéressant, mais pas dans le meilleur sens du terme. Bon, j'imagine. Mais je reviens à Kaileni. Sa petite entreprise devait être connue. Bien entendu, les services secrets de l'armée soviétique n'en ignoraient rien. Mais il leur était difficile d'aller le traquer dans son fief aux confins de l'Afghanistan. Quant aux agents de la CIA, ils étaient eux aussi parfaitement au courant. Mais ça ne vous étonnera pas, étant donné ce que je vous ai déjà dit. Toutefois, Le danger pouvait venir des États-Unis même. Précisez, là. Le Congrès, les journalistes, l'opinion devaient absolument ignorer l'implication de la CIA dans ces trafics. Surtout à une époque où la drogue faisait de plus en plus de victimes dans le pays. Ah ouais, alors il fallait garder le secret. Ben, forcément, et la Maison-Blanche a d'abord muselé l'agence chargée de réprimer le trafic de drogue. Ouais, c'est la DEA. Oui, oui, cette agence serait désormais uniquement chargée des campagnes anti-drogue à l'intérieur du territoire états-unien. Ah, donc une limitation de ses compétences. Et ensuite, Cazet, l'ami du président et patron de la CIA, a obtenu du procureur général que ses agents n'auraient pas à répondre devant la justice d'éventuels trafics de drogue. Ah oui, carrément un étouffoir, là. Oui, un étouffoir qui ne sera levé que beaucoup plus tard, et sous la présidence de Clinton. Car il n'y avait pas seulement de l'héroïne afghane, mais aussi la cocaïne d'Amérique du Sud qui a servi à financer les contrastes nicaraguayens, que vous connaissez bien sûr, avec la collaboration de la CIA. Monsieur X a évoqué l'agence de lutte contre la drogue, la DEA. À la fin des années 70, alors que commençait la guerre d'Afghanistan, cette administration a lancé un véritable cri d'alarme. Je cite John Cooley, auteur d'un ouvrage intitulé « CIA et djihad » paru chez Autrement. La DEA était inquiète et impuissante par manque d'informations au Pakistan, en Afghanistan et en Iran. L'agent spécial Ernie Staples, récemment revenu de cette zone, reconnut que du fait de situations politiques défavorables, la DEA avait perdu sa meilleure défense, l'interception près des zones de culture. L'héroïne asiatique était en train de s'emparer du marché européen. Le prix de gros était en chute libre et la pureté de l'héroïne atteignait de nouveaux sommets avec 500 morts d'overdose pour la seule RFA. Les gangs corses de Marseille ouvraient de nouveaux laboratoires pour exploiter la morphine base et parfois l'opium brut qui arrivait par la Turquie et la Syrie. Les agents de la DEA dans les principales villes américaines comme Chicago, Boston et Newark soulignèrent le rôle croissant de la mafia dans la distribution d'héroïne grâce à la Pizza Connection de Salvatore Solena qui utilisait une chaîne de pizzeria. À New York, les gangs noirs de Harlem étaient en train de renoncer à l'héroïne en provenance d'Asie du Sud-Est au profit de celles qu'envoyaient Afghans et Pakistanais. La moitié du marché de la ville de New York avait déjà franchi le pas. Les cas d'hépatite dus à des aiguilles contaminées étaient en hausse. Le bureau central de la DEA à Washington signala que l'afflux d'héroïne venue de New York avait provoqué une hausse du nombre de morts par overdose. Je vous ai parlé de Guélani, mais il est évident que tous les seigneurs de la guerre afghane, régnant sur des régions où on cultivait le pavot, ont été impliqués dans le trafic de drogue, bien sûr. À l'exception, apparemment, du commandant Massoud, même si certains de ses proches sont trempés dans ce commerce illicite. Mais c'est tout de suite après le départ des soldats soviétiques en 1989 qu'on a assisté à une véritable explosion de la production et par conséquent du trafic. À cause du désordre politique qui s'en est suivi ? Oui, oui, je résume, parce que je crois que nous avons déjà abordé cette question. Les Russes, en se retirant, ont abandonné le pouvoir à leur allié, Najibullah. Mais toutes les factions qui ont combattu l'armée rouge sont bien décidées à éliminer ce marxiste tendance Gorbatchev. Ce qui ne va pas tarder. Hein. En effet. En 1992, Najibullah est renversé et va connaître un sort tragique. Mais les alliés d'hier, qui vont se rassembler très provisoirement au sein d'un gouvernement intérimaire, ne tardent pas à se déchirer. Pour résumer, disons qu'il y a d'un côté Massoud, nouveau ministre de la Défense, et ses partisans essentiellement originaires des provinces du Nord. Oui, les Tadjiks de l'Alliance du Nord, là. Et de l'autre côté, des seigneurs de la guerre, tels l'Ouzbek Dostom ou le Pashtoum Ekmatyar, qui après s'être combattus ont fait front commun contre Massoud et ont entrepris une terrible campagne de bombardement sur Kaboul. Et pendant ce temps, dans ce pays livré au chaos et à la guerre civile, la production de drogue et son commerce prospèrent. Dès le début des années 90, les spécialistes estiment que l'Afghanistan produit plus de 2000 tonnes d'opium par an. Le pays est alors devenu le premier producteur mondial. Triste record. Oui, mais un record qui ne cessera d'être battu d'année en année, à l'exception notable de l'année 2001. Mais enfin, ça, nous verrons peut-être ça plus tard. Ah, et puis, surtout, nous n'allons pas trop vite. Hein. Ah, bah, vous êtes décidément incorrigible. Je vais simplement à votre place. Bon, oui, alors ça va. En tout cas, Assez vite, les structures du trafic telles qu'elles existent encore se mettent en place. Avec ces seigneurs de la guerre, ces commandants qui se disputent les meilleures terres, et pas vous. Et puis, il y a aussi ces barons qui contrôlent les laboratoires installés à cheval sur la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, dans cette région pachtoune dont je vous ai parlé. Ouais. Donc, tous les seigneurs de la guerre sont compromis. Sauf Massoud, oui. Ouais. Et encore, mais vous dites, certains de ses amis étaient impliqués. Comme Mohamed Daoud, l'un de ses commandants. Mais attendez, là, pourquoi Massoud, lui, s'est-il gardé de toucher au trafic? Pour lui, c'était une question de morale. Et sans doute pensait-il que la drogue, même si elle pouvait servir à financer sa petite armée, finirait par pourrir le pays. Alors, quitte à revenir un peu en arrière, arrêtons-nous un instant sur l'un des personnages clés de cette économie souterraine. Le fameux Gulbuddin Hekmatyar. Ce seigneur de la guerre, particulièrement brutal et impitoyable, est d'abord une créature de l'ISI. C'est-à-dire les services secrets pakistanais, oui, oui, ce sont ces services qui vont le présenter à des agents de la CIA. La chance de sa vie, pour ce chef d'une petite troupe armée. La chance parce que son groupe, le SBI Islami, c'est-à-dire le parti de l'islam, va recevoir la moitié de l'aide états-unienne destinée aux Moudjahidines. Et il y en a alors pour des centaines de millions de dollars. Dans le camp occidental, Hekmatyar est alors présenté comme une sorte de héros de la résistance à l'occupation soviétique. Ouais, alors qu'en même temps, il se fait trafiquant de pierres. Mais à l'Ouest, on passe ça sous silence, hein, pour ne pas ternir l'image du héros. Évidemment, parce que la vérité est scandaleuse. Une vérité farouchement démentie par l'ambassadeur américain au Pakistan qui a osé affirmer qu'en aucun cas la résistance afghane ne finançait son combat avec l'argent de la drogue. Alors que tout au long de cette guerre de 10 ans, les camions de l'armée pakistanaise qui acheminent les cargaisons d'armes destinées aux Moudjahidines repartent bâchés et même scellés. En principe, ils sont chargés de sacs de céréales. Ouais, en réalité, ce sont des sacs de drogue. Bien sûr. Ouais. Comme ils sont affrétés par l'ISI, ils ne subissent donc aucun contrôle. Ouais. Et pendant la guerre, là, où se trouve Hekmatyar? Il réside habituellement à Peshawar. Au Pakistan, donc. Oui, Peshawar, c'est la porte d'entrée de l'Afghanistan, puisque la passe de Khyber est toute proche. À Peshawar, Hekmatyar règne alors sur les camps de réfugiés. Des réfugiés afghans. Oui, oui, qui sont alors très nombreux, parce qu'ils ont fui la guerre et la répression exercée par l'armée rouge. Ce sont les services pakistanais qui lui ont confié cette autorité sur ces camps. Une autorité absolue et même dictatoriale. Hekmatyar n'a jamais hésité à régler par la force ses conflits avec ses rivaux ou ses concurrents. D'autres Moudjahidines, donc. J'ajoute, et ça lui simplifie la vie, que le gouverneur de la région est un parent du maréchal Zia, chef de l'État pakistanais. Un gouverneur qui est lui-même très très lié au trafic de drogue. Ouais, c'est plus simple. Ouais. Et d'où vient alors l'opium de Hekmatyar? Du sud de l'Afghanistan, dans la très fertile vallée du Helmand. Donc très près du Pakistan, au sud. Hein. Alors justement, vous avez dit que les autorités avaient pris des mesures pour éradiquer la culture du pavot. Et la consommation. Ouais. Car il existait des centaines de milliers de drogués au Pakistan. Mais ça, cette politique anti-drogue, c'est quand Benazir Bhutto arrivera au pouvoir à la suite d'élections libres. Auparavant, sous la dictature du maréchal Zia Ul Haq, des officiers supérieurs très proches du maréchal dictateur ont été mêlés au trafic. Les experts ont même parlé de l'existence d'un véritable syndicat de l'héroïne au sein de l'armée et des services secrets. Toutefois, le grand allié américain doit parfois intervenir. Ah oui, parce que l'héroïne finit par arriver aux États-Unis. Naturellement. Alors Zia Ul Haq est obligé de faire un geste et ordonne un bombardement sur quelques laboratoires de la frontière. En tout cas, cette collusion entre les militaires et les producteurs de drogue va laisser des traces durables. On n'arrête pas un tel fleuve de drogue sur un coup de baguette magique. Et puis, il y avait trop d'intérêts en jeu. Trop de corruption aussi. Ouais. Alors, après cette parenthèse pakistanaise, là, revenons en Afghanistan. Volontiers. Je vous ai donc dit qu'à la faveur du chaos politique, la production d'opium va atteindre des sommets. Mais il y a également une autre raison qui explique cette croissance démesurée. Avec la fin de la guerre, le grand jeu, comme disaient autrefois Russes et Britanniques, cessent momentanément. Russes et Britanniques, il faut le préciser quand même, qui se disputaient le contrôle de l'Afghanistan au XIXe siècle. Oui. Et par conséquent, les États-Unis n'éprouvent plus le besoin d'aider financièrement leurs anciens alliés. C'était les Moudjahidines. Hein. Ça pose un sérieux problème aux seigneurs de la guerre. Parce qu'au fil du temps, ils se sont constitués de vraies petites armées qui n'ont plus maintenant les moyens d'entretenir. D'où l'idée de recourir à l'argent de la drogue? Car ils n'ont nullement l'intention de se séparer de ces forces armées qui pourront leur permettre de grignoter un morceau de pouvoir, puis aussi de juguler les ambitions de leurs rivaux. C'est ainsi, par exemple, pour reparler de Ekmatyar, qu'une véritable guerre va l'opposer à l'un de ses concurrents, un certain Mulla Nasin, vice-ministre de la Défense dans le gouvernement provisoire afghan. Une guerre qui se termine comment, non ? Par la victoire de Ekmatyar, qui a fait tuer son adversaire. C'est enfin, effectivement, quoi qu'il en soit, c'est radical, oui, ça, ouais. En ces régions, ils ne gênent pas. Quoi qu'il en soit, ces lendemains de guerre ont été bien embarrassants pour les États-Unis. Certes, l'armée rouge avait dû déguerpir de façon piteuse, et bientôt l'URSS tout entière s'écroulerait. Mais les accointances américaines avec de notoires trafiquants de drogue risquaient de faire surface. D'autant que ceux-ci étaient prêts à exercer un chantage sur leurs anciens protecteurs. Dans un ouvrage publié aux éditions du Lézard, La politique de l'héroïne, le journaliste Alfred McCoy s'est particulièrement intéressé à ce Ekmatyar dont M. X a abondamment parlé. J'en extrais ce passage. Parmi les centaines de correspondants qui couvrirent la résistance afghane au cours des années 1980, bien peu prirent la peine d'enquêter sur les origines d'Ekmatyar, l'homme qui désormais était devenu l'instrument de la plus vaste opération de guerre secrète de la CIA. Après les études d'ingénieur, Ekmatyar, devenu militant islamique, avait fondé la Fraternité musulmane. À Kaboul, au cours des années 1960, il prit la tête de manifestations d'étudiants contre la laïcisation promulguée par le roi. D'après une enquête publiée plus tard dans le New York Times, il avait au début des années 1970 envoyé certains de ses partisans jeter des fioles d'acide au visage des étudiantes qui refusaient de se voiler. Accusé du meurtre d'un étudiant de gauche en 1971, il s'enfuit au Pakistan, où en tant que membre des tribus Pashtuns, installées des deux côtés de cette frontière, il fut en mesure de poursuivre son travail politique. Résident à Peshawar, Ekmatyar rejoignit le Jamaat-e-Islami pakistanais, le Parti de l'Islam, un groupe de musulmans fondamentalistes et quasi-fascistes qui comptait de nombreux partisans au sein du corps des officiers. Parliez de chantage. N'exagère nullement, certains seigneurs de la guerre ont osé demander des millions de dollars pour tout simplement cesser leur petit commerce. Avec quelle garantie ? Ah bah ça c'est autre chose. En outre, je suis persuadé que d'autres chefs ont menacé de faire des révélations si on ne leur attribuait pas quelques subsides. Et la CIA payait ? Je n'en ai pas la preuve, mais ça ne m'étonnerait pas autre mesure, parce que ça faisait tâche, vous comprenez, surtout à un moment où les États-Unis déclaraient vouloir mener une guerre totale contre la drogue. Enfin, on le verra plus tard, ça. Ce combat connaîtra de nombreuses exceptions, surtout en Afghanistan. Et là encore, la CIA devra être mise au banc des accusés. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Ah, mais je l'attendais, ça. Bon. Les Américains sont non seulement embarrassés par les révélations sur leur rôle passé en Afghanistan, mais aussi par la guerre civile qui oppose les différentes factions de Mujahideen. Ouais, un facteur de désordre dans une région qui n'en manque pourtant pas. Mais comme à Washington, on ne veut pas s'engager auprès de tel ou tel, la Maison-Blanche demande à ses alliés saoudiens ou pakistanais de s'entremettre. Prudence donc. Et attentisme, l'administration Clinton ne veut pas prendre position. Mais ça ne va pas durer. Mais ça change quand, alors ? Lorsque les talibans apparaissent en 1994. Les talibans, pluriel du mot taleb, qui veut dire étudiant. Ce sont donc en principe des étudiants en religion. En réalité, ce sont souvent des paysans qui vont obéir au doigt et à l'œil à leur chef, le fameux Mollah Omar. Ah oui, le Mollah Omar. Un musulman intégriste. Un dévot, oui. Un chef charismatique qui va patiemment et intelligemment construire sa légende. Celle d'un Mujahideen audacieux et courageux qui n'a jamais hésité à payer de sa personne dans la lutte contre l'armée rouge. Ah, il a même perdu un œil. Exact. Mais la guerre finie, Omar entend aussi devenir un guide spirituel et une sorte de Robin des Bois qui vole au secours des pauvres et des opprimés et n'hésite pas à châtier les puissants, les voleurs et tous ces chefs de tribus qui, dans leur vie quotidienne, ne respectent pas les principes de l'islam. Ouais. Et c'est là-dessus alors qu'il bâtit sa popularité. En effet. En tout cas, légende ou pas, le mouvement des talibans ne va cesser de monter en puissance tout au long de l'année 1994. Et naturellement, ce sectateur d'un islam pur et dur est soutenu financièrement par l'Arabie Saoudite et tous les musulmans wahhabites. Alors, car je pense que c'est là que vous voulez en dire, hein. Quelle est la position des Américains là, vis-à-vis des talibans ? Ah ben, elle est très favorable. Mais ne vous étonnez pas, ce qui inquiète les États-Unis dans la région, c'est l'Iran, ouvertement anti-américain. Et à Washington, on se dit que ces talibans sunnites pourraient faire pièce aux ayatollahs chiites iraniens. Ouais. Donc les Américains font bon marché du fondamentalisme religieux des talibans. Oui, oui, on pense même que ces pseudo-étudiants sont plutôt pro-occidentaux. Mmh. Et il faut noter, on est sous la présidence Clinton. Alors, comment expliquer cet aveuglement? Car bientôt, dans l'orbite des talibans, on va voir apparaître Ben Laden, hein. C'est le danger iranien qui prime. Et puis, il y a une raison moins avouable. Ah bah, allez-y, alors. Pour les États-Unis, ce qui compte, c'est qu'il y ait un gouvernement stable à Kaboul. Un gouvernement avec lequel on puisse sérieusement négocier. Mais négocier quoi? La construction d'un gazoduc qui permettrait l'acheminement jusqu'à la côte pakistanaise du pétrole et du gaz du Turkménistan. Le TAP, un acronyme qui signifie robinet en anglais, mais aussi Turkménistan, Afghanistan, Pakistan. Et déjà, plusieurs compagnies pétrolières nord-américaines sont sur les rangs. Ouais. Alors donc, il faudrait encourager les talibans à se saisir du pouvoir, c'est ça? Et au besoin, les y aider. Ah, oui. Car des observateurs notent qu'en cette année 1994, la petite armée des talibans s'étoffe considérablement. Et surtout très rapidement. Elle compte maintenant plusieurs milliers d'hommes, dispose d'armes lourdes, de blindés et même de quelques avions de combat. Les Américains? Bah, pas seulement eux, les Saoudiens et les Pakistanais. Il y a aussi tout un réseau d'organisations internationales d'inspiration islamiste. Ces ONG, prétendument charitables, dont on retrouvera souvent la trace dans le financement des mouvements fondamentalistes. Quoi qu'il en soit, l'avancée des talibans en Afghanistan semble quasiment irrésistible. Partie des zones sud, c'est-à-dire près de la frontière pakistanaise et de la ville de Kandahar, qui est devenue leur fief, ils atteignent bientôt Herat, au nord-ouest du pays. Ouais. Et alors ces seigneurs de la guerre si puissants À l'exception, encore une fois, de l'Alliance du Nord, du commandant Massoud, ces chefs militaires s'inclinent. Ekmatyar, par exemple. Mais ce n'est pas très étonnant. L'intégrisme musulman affiché par ces talibans qui veulent instaurer la charia dans tout le pays lui va très bien. Mm-hmm. D'accord, mais est-ce que ce rigorisme moral ne menace pas ces activités illicites? Bref, est-ce que le trafic de drogue est soluble dans l'islamisme? Bah encore un peu de patience et je vous réponds. En septembre 1996, l'armée des talibans conquiert sans aucune difficulté la capitale, Kaboul. Ouais, le mollah Omar a donc presque gagné. Quoi. Et les talibans règnent désormais sur une grande partie de l'Afghanistan. Ouais, sauf, encore une fois, dans les zones contrôlées par Massoud, hein, qui va leur opposer une résistance farouche. Bah, et vous le savez, ils finiront par l'assassiner tout juste avant le 11 septembre. Ouais. Eux ou Al-Qaïda. Hein. Mais en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de différence. Il faut noter, c'est très important, que Washington se réjouit officiellement de la victoire des talibans. Dans un communiqué, le département d'État salue l'accession au pouvoir des prétendus étudiants en religion et voit en eux un élément positif susceptible de ramener la stabilité dans la région. Oui, un communiqué donc publié à l'automne 96, hein, c'est ça. Donc 5 ans avant l'attentat contre les tours du World Trade Center. Hein. Oui, oui, en outre, la Maison-Blanche annonce l'envoi à Kaboul d'une délégation états-unienne. Et un membre important du Conseil des Affaires étrangères peut affirmer sans rire que les talibans ne possèdent aucun lien avec l'internationalisme islamiste radical. Et qu'au contraire, ils le détestent. En réalité, je vous l'ai dit, les Américains ne voient pas plus loin que le bout de leurs intérêts énergétiques. Ah, le gaz, toujours. Évidemment. Mais c'est un élément tout à fait inattendu qui va mettre fin à cette idylle. Quoi ? Les féministes américaines et occidentales. Dès 1997, elle dénonce le sort qui est fait aux femmes sous le régime des talibans. Et ce mouvement d'opinion qui va grandissant réussit à renverser la situation. D'un seul coup, les talibans ne sont plus fréquentables et la secrétaire d'État du président Clinton, Madeleine Albright, lors d'un voyage au Pakistan en 1997, critique ouvertement le régime des talibans qui bafoue les droits de l'homme. Et particulièrement ceux de la femme. En vérité, ce qui légitime surtout la volte-face états-unienne, c'est Ben Laden et le soutien indéfectible que lui apportent les talibans. Ben Laden qui a décidé de s'en prendre aux intérêts américains un peu partout dans le monde. Ouais, les attentats contre les ambassades états-uniennes en Afrique de l'Est. Par exemple. Ouais. Mais nous en avons souvent parlé, inutile d'insister là-dessus. Soulignons simplement qu'en riposte à ces attentats, Clinton ordonnera le bombardement en Afghanistan et au Soudan de camps d'entraînement appartenant à Al-Qaïda. Ouais, piqûre de moustique. Oui, oui, car ces actions violentes n'entament guère le potentiel militaire de Ben Laden et ses amis. Oui, mais enfin, ce sont quand même des bombardements qui fâchent les talibans. Hein. Bah, forcément. Toutefois, ça ne va pas jusqu'à la rupture. Hein. La rupture officieuse, je veux dire. Car Américains et talibans continuent à discuter en coulisses. À Washington, Les lobbies de l'énergie n'ont pas renoncé à obtenir de Kaboul un accord sur la construction du gazoduc. Et les diplomates états-uniens essaient d'obtenir des talibans qu'ils signent un accord de paix avec l'Alliance du Nord de Massoud. Mais toujours en vue de stabiliser la situation. Et ils ne désespèrent pas de faire en sorte que les talibans lâchent Ben Laden. C'est-à-dire qu'ils le livrent? Non, ça c'est impossible. Mais comment ils l'expulsent? Et Washington, pour obtenir ce résultat, donne des signes de bonne volonté en monnaie sonnante et trébuchante. Plus d'une centaine de millions de dollars d'aide humanitaire. Et remarquez-le bien, des négociations secrètes se poursuivront jusqu'à la veille des attentats du 11 septembre. Enfin, j'ai déjà été trop long pour aujourd'hui. Attendez. Vous avez dit que vous me parleriez des rapports des talibans avec les trafiquants d'opium. Bon, alors en un mot, car nous poursuivrons cet entretien la semaine prochaine. Il est évident que les talibans musulmans rigoristes ne peuvent pas approuver la production, le commerce de la drogue et surtout sa consommation. Mais quoi qu'on en pense, ce sont aussi des réalistes. Et dans un premier temps, ben, ils n'osent pas s'attaquer au trafic, car ça ruinerait des dizaines de milliers de paysans afghans. Et puis, ils se disent assez hypocritement que si les drogués consomment ailleurs qu'en Afghanistan, ça ne les regarde pas. Puis ce trafic doit leur rapporter aussi. Bien sûr, grâce aux impôts qu'ils prélèvent sur ce commerce même illicite. J'y reviendrai la semaine prochaine. Mais pourtant, au début des années 2000, le Mollah Omar va provoquer un véritable coup de théâtre en décidant brusquement de s'en prendre à la production d'opium. Et pour la première fois, un gouvernement afghan obtient des résultats probants, et même spectaculaires. Des chiffres, oui. La production est d'un seul coup divisée par 100. Samedi prochain, donc, la suite de cet entretien consacré à l'Afghanistan, qui est devenu aujourd'hui un véritable narco-État.